99.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 423 sous les régies. Mais si on compte depuis le début 1984, ça fait quelques milliers de sagas des Fab Four, je serais incapable de vous le dire, mais ça en fait quelques-uns, quelques-unes en tout cas. L'album de la semaine, c'est Ringo Starr, Ringo Rama pour être exact, sorti en 2003. On écoutera le fabuleux Eye to Eye dès le début de l'émission. On lira également Instant Amnesia, Never Without You, évidemment. Imagine Me There, Elizabeth Rains, et on terminera avec Memphis in Your Mind. Mais il y aura également George Harrison, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Harrison, ce sera Art of Dying sur le fantastique album All Things Must Pass en 1970. Lennon nous chantera Real Love, sa version à lui, que vous retrouviez en 1988, donc des années avant, sur la bande originale du film Imagine, très très bon film, dans lequel c'est John Lennon qui se raconte. Ils avaient utilisé, je crois, une centaine d'heures d'interviews, et pendant tout le film, c'est John Lennon qui raconte, au présent ou au passé, son histoire avec les Beatles et son histoire post-Beatles. Très très intéressant. Il y aura également pour Paul McCartney Yesterday, pas la chanson du temps des Beatles, mais la chanson reprise en 1984 sur Give My Regards to Broad Street. Et pour les Beatles, ce sera Eleanor Rigby sur l'album Yellow Submarine Soundtrack, sorti en 1999. Pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Je vous invite à aller sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, de façon à pouvoir communiquer avec moi, communiquer avec vous d'ailleurs, pourquoi pas. Et on va commencer dans une poignée de secondes. Restez à l'écoute, c'est la saga des Fab Four qui commence. Le rocker. And here we go. Eye to eye. Montez le son, vous êtes sur RG. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to faster. 1, 2, 1, 2, 3. Que c'est quand on prépare les sagas à l'avance et qu'on se souvient plus qu'on a voulu vous faire une surprise et qu'au lieu de la version de l'album All Things Must Pass, je vous ai proposé une version déspectorisée de cette ravissante chanson The Art of Dying. Et c'est vrai qu'elle est bien juste comme ça aussi. Mais j'aime bien la façon dont elle est orchestrée sur l'album. C'est vraiment superbe aussi. Voici Real Love. Et là, c'est une version qui est sortie officiellement sur l'album Imagine, la BO du film en 1988, par John Lennon tout seul. Living in this

meant to be. It's easy. C'est vrai qu'on peut dire que Paul McCartney est un génie musical, il trouve des airs apparemment facilement. John Lennon a plus de difficultés, mais lorsque John Lennon a des traits de génie, il est absolument génial. La preuve, avec ses deux chansons à la suite, A Day in the Life et All You Need Is Love, du grand, grand, grand génie, plus de 50 ans d'âge, et ça reste absolument fabuleux. Il faudrait que les enfants qui ont école demain aillent se coucher, s'il vous plaît. Et voici George Harrison, c'était un message personnel. George Harrison en 1973 sur l'album Living in a Material World et ce titre, Be Here Now, ça va vous aider à vous endormir, c'est très très calme. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Thank you. saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. And John Lennon qui reprenait Chuck Berry, la chanson You Can Catch Me, sortie du film Rock Rock Rock. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo-Rama, sorti en 2003. Et ce titre, en hommage à son pote disparu, George Harrison, voici Never Without You sur RIG. Without you, within you, without you. Ringorama est le 13e album studio de Ringo Starr, sorti en 2003. Et comme toujours, l'ex-batteur des Beatles s'entoure de ses amis et non des moindres. On retrouve sur cet album des invités comme Eric Clapton, David Gilmour, Willie Nelson ainsi que Timothy B. Schmidt du groupe Les Eagles. Cet album contient ce que vous venez d'entendre, Never Without You, une chanson hommage à son ami George Harrison disparu le 29 novembre 2001. Sur cet album, Ringo fait plus que chanter et jouer de la batterie. En effet, il joue aussi de la guitare acoustique et électrique ainsi que de la guitare slide, en plus des claviers, et ce, sur la chanson qui est cachée. Il y a une chanson cachée, donc 17 chansons au lieu de 16, qui s'appelle I Really Love Her, qui est après un moment de silence à la fin du titre English Garden. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce très bon album de Ringo Starr. Et je vous propose de venir à ce que nous attendons d'ici, oh, pas très longtemps, hein. On est le 18, ça sort le 27, je crois, le 27 septembre, donc dans très peu de temps, l'album Abbey Road pour les 50 ans, le coffret. Voici un extrait du coffret. La quatrième prise de Oh Darling à venir sur l'album. On l'a déjà ici à la saga et je vous la propose officiellement dans la saga des Fab Four. Oh, but darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. didn't come, there never could be a better moment than this one. This one, this one is lighting above the ocean. Our God is riding upon his bike. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine. Thank you for the smile. Did I ever knock upon your door? Try to get inside. Our God is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. What opportunities did we allow to flow by? Feeling like the timing wasn't quite right. What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Très très haute qualité en 1989 sur l'album Flowers in the Dirt. C'était This One sur RIG. Stella sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four de dire The Ballad of John and Yoko, c'est la chanson qui raconte les péripéties qui ont précédé le mariage de John avec notre amie japonaise. Oui, mais tu aurais pu rajouter également que nous sommes en 1969, 3 ans avant, en 1966, John Lennon a fait un scandale en disant que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ. Et il en remet une couche 3 ans après en disant The way things are going, they're gonna crucify me. De la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier. Il avait vraiment l'esprit mal tourné. Il aimait provoquer John Lennon. Make it dream. Enregistré par George Harrison de survivant, forcément, j'allais dire, c'est ridicule de dire ça, c'est obligatoire, mais c'est paru sur l'album de Jules Holland et non pas sur un album de George Harrison, on l'attendait sur Brainwashed, ça n'a pas été le cas. L'album de la semaine, c'est Ringorama et le titre du morceau, c'est Imagine Me There sur RIG. When the curtains move in breezes unexpected, don't you worry, you will always be protected. Imagine me there. When you see the dancing shadows in the moonlight, always have my love to make it all right. Imagine me there. Let the dawn break without heartache. All our lives, imagine. When the next room feels as far away as China, you can always know for sure my love will find you. Imagine me there. Occupation. When I find myself in frantic situations, I imagine you there. So imagine. voici venu l'heure de la reprise. Ça va pas être facile. Je vais essayer de bien arriver à jongler avec les différents instruments. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit une reprise même venant d'eux, s'ils ont repris Chuck Berry, par exemple. Du moment que John, Paul, Ringo ou George le chantent en tant que Beatles ou dans les cas séparés, la cover peut concerner un autre artiste qui la reprend, ou vous. Je vous en parlais souvent, je disais vous, si vous reprenez une chanson et que vous le faites bien, ça peut passer dans la saga. Eh bien, j'ai demandé à Zonga Dude, qui est quelqu'un d'assez connu, mais qui est un humain normal, on va dire, pas quelqu'un de connu dans le monde de la musique, genre George Harrison, par exemple. Il reprend, je vais m'en sortir, il reprend Think For Yourself en étant à tous les instruments. Écoutez sa version, chant, tout ça, il l'a fait tout seul. C'est absolument fabuleux. Voici la reprise par Zonga Dude et merci de m'avoir autorisé à diffuser ça. That we can have if we close our eyes. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't be there with you. I left you far behind, the ruins of a life that you had in mind. And though you still can't see, I know your mind's made up. You've gone across my misery. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't be there with you. Although your mind's opaque, try thinking more if just for your own sake. The future still looks good, and you've got time to rectify all the things that you should. Do what you want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I will be there with you. You want to do and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I will be there with you. Think for yourself, 'cause I will be there with you. La question que je me pose quand on est un artiste à ce point-là, c'est combien de temps on passe pour arriver à faire toutes les couche par couche, la batterie, les guitares, la voix principale, les chœurs, et on est tout seul pour faire ça. Ça doit prendre un sacré temps, mais quand on entend le résultat, c'est fabuleux. Bravo Zonga Dude. Ça vous met la pression les autres, hein, parce que là c'est du sacrément bon boulot. Voici les Beatles, les vrais. I want to tell you sur Revolver. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles et c'est la saga des Fab Four. Slip away when I get near you. The game's been

it makes me wanna cry. We said all goodbye the night before. Love was in your eyes the night before. Now today I find you have changed your mind. Treat me like you did the night before. Je savais que c'était de 1965, mais sur le commentaire dans le bouquin, il y avait marqué « Hard Day's Night ». Ça m'a fait penser à 1964. Oh, ça arrive. Allez. Voici l'album de la semaine, « Elizabeth Reigns » sur RG. C'est Ringo Starr sur l'album « Ringo Rama » sorti en 2003. And one, two, three. Help me, Captain, help me. nouvel album de Ringo Starr qui sortira le 25 octobre. On en écoutera un extrait avant la fin de cette émission. Eric est arrivé dans une grosse demi-heure. Ce sera Johnny de A à Z. Et ce sera bien, soyez-en sûrs. So uptight. What did you do? Who did you see? Were you with someone who reminded you of me? Where were you last night? Cette chanson Good Night Tonight, montez le son, c'est RIG, c'est la saga des Fab Four. Don't you think? J'adore cette chanson. On termine cette saga au niveau de l'album de la semaine, Memphis in Your Mind. C'est Ringo Starr sur RIG. breakfast in your mind. Voici le nouvel album de Ringo Starr et What's My Name? Ringo! Gars à 79 ans, ça me paraît complètement fou. Allez, on se calme. Borrowed Time sur RIG, c'est John Lennon. Not so clear. would not exchange a single day or a year. Good to be older, you bet. Less complication, everything clear. Living on borrowed time, without a thought of tomorrow. Living on borrowed time, without a thought of tomorrow. Oh yes, it all seems so bloody easy then. You know, like, what to wear, very serious, like, you know. Am I gonna get rid of the pimples? Does she really love me? Chanson sortie sur l'album Milk and Honey en 1984. Une autre chanson que je n'ai pas passée depuis un moment et qui est très très belle. En 2010, un single pour un film. Le film c'est Everybody's Fine et le titre I Want to Come Home. Paul McCartney sur RG. For so long I was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging under the moon, heading into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Came so close to the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Home, where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar. The place where the truth lies waiting. We remember who we are. For too long I was out on my own. Every day I spent trying to prove I could make it alone. It was fun hanging on to the moon, sun, but it's been too long, now I wanna come home. reçu comme consigne, comme conseil plutôt, de Maurice Chevalier: soigne tes entrées, soigne tes sorties, tout le reste, c'est pas grave. Enfin, fais ce que tu peux pour tout le reste, voilà. Fais ce que tu peux. Eh bien, j'ai soigné mon entrée, j'ai soigné également ma sortie. Donc, maintenant, je peux y aller et je vous laisse en compagnie de Eric pour son merveilleux Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.